En Corée, le centre du sang près le ministère de la Santé a abrité le 14 une cérémonie consacrée à la journée mondiale des donneurs de sang. Y ont participé les fonctionnaires sanitaires et intéressés, les donneurs de sang volontaires, le coordinateur permanent des Nations Unies et délégué permanent du programme des Nations Unies pour le développement, le représentant par intérim de l'Organisation mondiale de la santé et d'autres officiels de représentation des institutions internationales en Corée, la délégation de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en mission en Corée, ainsi que les diplomates de divers pays en Corée. Le même jour, toutes les provinces ont organisé aussi les activités pour la Journée mondiale des donneurs de sang.